21-32, activation orale, passé composé, négation et pronom. Révision. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Nous sommes partis sans Robert. Vous dites. Nous ne l'avons pas attendu. 2. Nous sommes partis sans Robert et Mireille. Nous ne les avons pas attendus. 3. Nous sommes partis sans eux. Nous ne les avons pas attendus. 4. Je suis parti sans Mireille. Je ne l'ai pas attendu. 5. Ils sont partis sans elle. Ils ne l'ont pas attendu. 6. Ils sont partis sans nous. Ils ne nous ont pas attendus.